fait tout simplement des crimes. Et moi, donc, mon travail, vous l'avez compris, c'est justement de montrer ça, de montrer à quoi sert réellement ces armes. Mais le problème, c'est que tant que l'ONU ou quelque chose d'officiel, on va dire, ne sort pas un énorme reportage en disant nous avons vu des armes françaises tuer des civils, etc., malheureusement, ça ne bougera pas énormément. Et heureusement, il y a des gens comme vous, donc d'origine de près ou de loin avec la France, qui pourra maintenant, plus tard, ou peut-être dans très longtemps, commenter, voir. Parce que indirectement, moi je filme, mais vous, vous êtes sur place, vous êtes dans les combats, donc vous pourrez même être des témoins plus tard, en fait, de ces crimes. Comme quoi, bah, effectivement, vous avez eu un obus de 155 mm, ça a tué une femme et un enfant à ce moment-là, alors que vous, vous êtes allé combattre, par exemple, sur une ligne de front, et tout ce que vous avez reçu, bah, je dis une connerie, hein, c'est des roquettes slovaques, du RSS, etc., enfin, que des vieux trucs qui n'ont rien à voir avec ce que donne la France. C'est pour ça, je pense qu'on est d'accord, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, que tu combats ici et que tu ne reçois pas, entre guillemets, sur la gueule. Effectivement, la France pratique une propagande qui dit qu'il y a des gentils et des méchants. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'appliquer toujours la même politique. On l'a vu en Syrie, en Libye ou au Yémen. La France fournit des armes à l'Arabie Saoudite ou au Yémen qui les utilise pour tuer des civils. C'est un conflit dont on ne parle pas du tout. La France a armé l'opposition en Libye, en Syrie, et c'est une pratique tout à fait courante. Seulement pour le français lambda qui regarde la télé, on lui présente toujours la chose de manière à avoir un gentil et un méchant. En réalité, tout le monde fournit des armes et les crimes sont commis par les armes fournies par la France. Mais que ce soit ici, que ce soit avant, de façon entre 2014 et maintenant, c'était toujours la même histoire partout. Et pour le français lambda qui regarde la télé, effectivement, on lui dit aujourd'hui que la Russie est méchante et l'a envahi l'Ukraine. Avant ça, il y avait un blackout total par rapport à ce qui se passait en Ukraine. Donc, le français ne savait même pas où est l'Ukraine et ce qui se passe sur place. Encore moins les Mombasses. Parce que j'ai des copains qui m'appellent, et surtout quand la déclaration spéciale avait commencé, on s'appelle, me demande est-ce que tu sors dans la rue, est-ce que tu... Ben, j'ai dit ben non, pourquoi? Elles me disent ah, la Russie rentre en Ukraine, tout ça. J'ai dit mais alors, arrêtez un peu. Ça fait 8 ans que l'Ukraine est à côté de Donetsk. Ça fait 8 ans qu'il y a des combats, ça fait 8 ans. Ils me disent ben non, mais d'où tu sors ça? Enfin, tu t'inventes ça. Ben, je dis, enfin, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, ça a été toujours comme ça. Et les gens lambda, les civils ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe à Donbass. Enfin, peut-être ils ont entendu quelque chose quelque part, mais c'est juste que ça passe, ouais. Enfin, ça passe à côté. Oui, c'était pas une vraie guerre. Oui, c'est ça. Alors qu'il y avait des vrais combats depuis 8 ans. Ça c'est clair. Bah, c'est ce qu'on dit, c'est le manque d'informations, ouais. Le manque de. Là, il y en a trop. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Là, il y en a trop. Ouais. Tu peux pas comprendre en fait ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, parce que il y a beaucoup de journalistes, je vois, même francophones par exemple comme toi, j'en connais quelques-uns, et qui sont en Ukraine ici, qui regardent, qui filment, et il y en a qui sont payés donc pour montrer que la Russie est méchante, et il y en a aussi effectivement qui sont qui essaient de montrer les vraies choses. En général, qui sont plus indépendants. Voilà. Ouais. Et ils ont aussi des problèmes parce que. Ouais. Bah, comme moi. Voilà, faut pas. D'ailleurs, pour la petite histoire, je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis allé du côté d'Ukraine. J'ai travaillé pendant 3 semaines avec Azov. Mmh. Alors, à la base, j'étais en médical. Pour aider médicalement les femmes et les enfants. Et on s'est fait racketter en fait par Azov, les médicaments, les opioïdes, la morphine, tout ça. Donc on a été obligé de donner des médicaments à Azov et de travailler avec eux en fait. Et du coup j'ai travaillé entre guillemets 3 semaines du côté de l'Ukraine. Je suis à Boutcha. Je suis arrivé à Boutcha les premiers jours où l'Ukraine avait récupéré. On en parlera plus tard, mais j'ai cette expérience de l'Ukraine. Donc je suis, je crois même l'un des seuls journalistes à être allé des deux côtés. C'est pour ça que je peux vraiment comparer ce qui se passe. Je te donne un exemple. Et quand j'ai... vivant. Elle est vivant, pour l'instant. Ouais. Et je te donne un exemple. Quand j'étais en Ukraine, j'avais l'interdiction, par exemple, de parler aux enfants et de parler aux enfants hospitalisés. Pour pas qu'ils me racontent leur histoire. Mm-hmm. Parce que les Ukrainiens ont peur de leurs propres militaires. Ça, c'est une réalité. Personne ne pourra me dire que c'est faux. Ils ont tous peur des SBU, ils ont tous peur des militaires. Ils prennent pas de photos, ils parlent pas. Enfin, il y a vraiment, tu vois, ici, dans le Donbass, c'est pas comme ça. Tu peux aller à l'hôpital, tu peux parler avec un enfant, tu peux parler avec un militaire. Ici, la civilisation n'a pas peur de leurs militaires. Ouais, et c'est là qu'il y a une énorme différence. Et ce qu'on essaie encore une fois de masquer, j'avais dit qu'on peur parce qu'on a plus peur de rien. Ça fait presque 10 ans que la guerre est ici. Les enfants grandissent dans la guerre. Et les gens, en fait, plus âgés, ils s'en foutent tout simplement. La guerre, ça fait partie de l'ambiance. Ça fait 10 ans que la guerre est ici. Les gens ne cachent pas leur visage. Les gens ici, ils s'en foutent totalement. Voilà la grosse différence. Pour terminer, je voudrais avoir votre avis. Petite question pour Sergueï et après j'aurai une dernière question à vous deux. Toi qui as été militaire français, t'es pas obligé de répondre, qu'est-ce que ça te fait d'avoir été militaire français et maintenant de combattre, parce que c'est un choix et comme tu nous l'as déjà dit, ta terre natale c'est ici, donc tu es légitime et même si ça n'était pas, c'est ton choix et tu fais ce que tu veux. Mais c'est surtout qu'est-ce que ça te fait d'avoir, on va dire, servi pour la France et maintenant de voir que, on va dire, les armes que tu as manipulées en France sont servies pour tuer des civils. C'est surtout ça, hein, c'est pas vraiment l'histoire de la guerre, c'est surtout voilà, ce fait que le gouvernement pour qui te battais avant cache en gros des crimes, quoi, hein, on va le dire clairement. Tu pouvais me donner ton ressenti par rapport à ça, est-ce que tu es dégoûté, est-ce que tu es choqué ou pas, ou est-ce que tu t'y attendais? Voilà, tu peux pas répondre. Alors, tu sais, la première fois que je suis venu au Donbass, personne ne le savait. Ensuite, c'est à partir de mon deuxième séjour ici que l'armée française a su. Et c'est là que j'étais rayé des cadres de mon régiment. Et à ce moment-là, justement, ils ont fait une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Ils ont dit, toi, tu es un traître à la France, tu collabores avec une autre puissance, avec la Russie. Et je leur dis, justement, non. Parce que si on compare la situation à la Seconde Guerre mondiale, c'est vous qui collaborez avec une puissance étrangère et je rappelle qui définit votre politique internationale. La Russie n'est pas en guerre avec la France, donc elle ne peut pas être un traître ni un collabo. Elle n'est pas en guerre. Voilà, je tiens à préciser. Et je lui dis, si ça aurait été la Seconde Guerre mondiale, je serais au contraire du côté de la résistance. Donc, il y avait le gouvernement de Vichy, le gouvernement officiel français qui collaborait et qui travaillait pour les intérêts d'une puissance étrangère, de l'Allemagne. Et il se passe exactement la même chose en ce qui concerne la France actuellement. Et donc, non, en fait, je suis toujours resté fidèle à la France, fidèle à ses valeurs, fidèle aux valeurs militaires qu'on m'a appris, fidèle aussi aux principes d'officier, puisque j'ai fait un lycée militaire, et je devais m'engager comme officier dans l'armée française par la suite. Et je suis resté fidèle à tout ça, contrairement à eux, qui eux collaborent avec les étrangers. Donc non, quand je suis venu ici, ça m'a posé aucun problème moral ou problème de valeur. Au contraire, j'ai toujours été fidèle aux valeurs de la France. D'accord, merci d'avoir répondu. Dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous auriez un mot pour les Français qui sont d'accord avec vous, qui voient la réalité, etc. Et même certains Français qui voudraient venir aider au Donbass, qui même voudraient venir combattre avec vous. Est-ce que vous auriez des conseils ou un message à leur faire passer par rapport à ça ? Pour les Français en général, on peut le dire que leur mode de vie est concerné par ce qui se passe ici. Les décisions de la France, les décisions de soutenir l'Ukraine économiquement, militairement, ça a un impact direct sur la vie des Français. Donc il y a des Français qui se plaignent des conditions de vie, mais c'est parce que leur gouvernement vit à des intérêts étrangers et que les Français ne se soulèvent pas contre ça. Ils subissent ces conditions de vie. Donc je dirais qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, et puisque la France n'a pas de politique indépendante, malheureusement. et qu'il faut s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Oui. Un mot pour les Français. Vous voyez, dans la vie, il y a toujours la même situation. Il y a la vérité, il y a la merde. La vérité est toujours poursuivie. La vérité, on essaie toujours de la démonter, de l'oublier, de l'effacer. Et tout ce qui se passe ici, ça c'est la vérité. Si vous venez ici, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous allez comprendre que c'est pas ce qu'ils vous montrent à la télé, c'est pas en fait, ce que vous lisez dans vos smartphones. Oui, donc tu leur dis de venir ici pour voir ce qui se passe. Si, moi je fais le même appel aux journalistes français qui ne bougent pas le cul, notamment ton copain de LCI qui fait une enquête sur toi depuis un an, et qui n'a pas mis un pied dans ton masque. Ah oui, je l'ai vu, c'est une tête à plaque. C'est ça, bah, il sera content de le voir, mais je tiens bien à préciser, je pense que tu peux le préciser, qu'il pourrait très bien venir ici simplement en demandant un visa russe en tant que journaliste. Je suis sûr qu'on ne va pas lui refuser. Non seulement il pourrait venir ici, mais voilà, précise. Les droits. C'est ça. Personne ne va le tuer, personne, on le fait pas. Voilà, donc s'il veut une vraie enquête, merde. Voilà, même au moins s'il veut, qu'il arrive déjà en dessous. S'il veut faire une vraie enquête, il n'a qu'à venir ici et bosser vraiment. Voilà, parce que tu l'accueilleras, il répondra. C'est parce que j'avais entendu un truc que lui, il avait fait des corps, tout ça. C'est ridicule. Non, en fait, ils parlent beaucoup de toi par rapport à Mariupol. Et à Wagner. Et le fait, voilà, tu étais avec un haut responsable de Wagner dans un camion. Mais bon, tout le monde travaille avec tout le monde ici, j'ai envie de dire. Donc, bon, ne pas te justifier. Non, mais c'est juste pratiquement. Le truc, c'est que les Russes, les soldats russes, ne font pas ce genre de choses. Brûler les femmes. Je veux dire, il y a des choses qui se passent à la guerre, c'est normal. C'est la guerre, oui. Mais les choses horribles, enfin, c'est. Oui, je sais pas, il faut être un animal. Il faut humain, qu'il ferait systématiquement. On ne peut pas comparer l'éducation d'un russe et l'éducation d'un ukrainien néo-nazi. On est d'accord. Voilà. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. C'est que les néo-nazis font certaines choses inimaginables. Donc, brûler des corps vivants, etc. Le russe de base n'apprend pas à brûler des corps lors de son éducation, ni militaire, ni normale. Il y a aussi un truc, c'est qu'on voit de partout ça dans les médias. Les Ukrainiens, ils ont vraiment pété un cap par rapport aux Russes. Il y a des t-shirts avec les marqués. On va brûler les bébés russes. Ah oui. Ils ont très bonjour envie de nous tuer, de nous démonter, de nous effacer. Et nous, contrairement à ça, on n'a pas du tout envie de faire ça. Vous n'êtes pas les exterminer. Oui. Eux veulent vous exterminer. Voilà. Alors, en faisant souffrir, vous, c'est pas du tout. Vous n'êtes pas les exterminer. Tu peux voilà. Le demander à n'importe qui, il va te répondre, ben non, en fait, on ne veut pas. On n'est pas venu ici pour massacres. Oui. On est venu ici pour protéger les gens, pour protéger nos intérêts géopolitiques, nos intérêts territoires. Alors, il y en a qui vont te dire, mais pour protéger qui? Pour rappeler, dans le Donbass est bombardé depuis 8 ans, les civils sont bombardés depuis 8 ans, certains russophones ont été pendus, brûlés, des russophones habitants dans le Donbass. Je précise pour les téléspectateurs qui comprennent bien pourquoi tu dis ça, mais parce que pour eux, vous êtes venus envahir, non, vous êtes venus sauver, aider et arrêter certains massacres, bombardements et tueries. Ça, il faut le préciser, qui durent depuis 8 ans. Et ça, malheureusement, il faut recultiver les gens. Et dernière question, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, des Français, qui voudraient venir combattre du côté russe, etc. Est-ce que c'est possible pour un Français de venir ici et de s'engager ou avec Wagner ou avec l'armée russe ou quoi? Ça sera ma dernière question. C'est tout à fait possible de prendre un visa, venir en Russie et ensuite aller jusqu'à la frontière entre la République de Donetsk et la Russie. Ensuite, on s'occupe du reste. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Il y en a beaucoup d'Européens. Oui. On est des Serbes. J'ai vu aussi des Français. Il y en a qui viennent. Non, on peut pas vous appeler et dire venez. Il faut avoir une volonté, une envie. Si vous voulez combattre le côté ukrainien, allez-y. C'est sûr que vous allez tuer, ça c'est sûr. C'est juste que, c'est très étonnant hein, ce que tu viens de dire, mais ok. On vous garde un respect. Hein. Mais si vous avez une envie voilà, de au moins voir ce qui se passe ici, au moins, ou si vous voulez participer, venez. Si vous êtes des hommes, venez. Super. Prince, merci. Sergueï, merci. Et bon courage à vous deux. Et voilà donc Africa Media au cœur de la guerre dans le Donbass qui oppose la Russie à l'Ukraine. Vous avez donc eu grâce à notre correspondant pour l'Ukraine et la Russie, il s'agit bien sûr d'Adrien Bokeh qui a donc mené cette interview avec des militaires dans le Donbass. On remarque aussi que la vie est possible en permanence de ce côté-là, contrairement à ce qui est publié et diffusé sur certaines plateformes. Alors direction le panel Ngouchi Beanza, on démarre avec vous. Vous avez donc certainement suivi ce reportage de notre correspondant, ce reporter de guerre Adrien Bokeh, qui était sur le terrain pour toucher véritablement les réalités, toucher du doigt les réalités du terrain dans le Donbass. Mais la première information, ce qui est important de retenir, c'est que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne date pas seulement d'un an. Mais bien sûr, ça va bientôt faire une décennie que cette guerre dure, contrairement à ce qui est publié et diffusé sur certaines plateformes. Oui, effectivement. Avant de répondre, je profite d'ailleurs, étant donné que nous sommes en train de parler des crimes de guerre de l'armée ukrainienne sur des Ukrainiens dans le Donbass, je profite pour parler de ce livre de Charles Onenan, qui parle de Holocauste au Congo. Parce que vous savez, on parle des crimes contre l'humanité en Ukraine, sur des Ukrainiens, mais en Afrique, depuis plus de 20 ans, il y a un génocide, des crimes contre l'humanité sur des enfants, sur des femmes, sur des hommes, plus de 15 millions de morts, et les ONG, les organisations, ont même arrêté de compter. Et quand on regarde ces mêmes crimes là-bas au Congo, ce sont les mêmes qui déstabilisent aujourd'hui l'Ukraine et qui envoient des armes aux militaires ukrainiens pour tuer des civils dans le Donbass. Ce sont les mêmes puissances qui financent ce génocide au Congo en utilisant le criminel de guerre qui est Paul Kagame depuis plus de 20 ans. Donc j'aimerais vraiment que les Africains s'intéressent et si c'est possible qu'ils aillent chercher ce livre pour le lire et comprendre cela. Alors, revenons maintenant sur l'actualité en Ukraine. Ce que nous venons de regarder et d'entendre, ça confirme nos soupçons, nos dires et les vérités qu'on essaye depuis plus d'un an maintenant de révéler au monde entier. Parce que dès le début de ce conflit, malheureusement, comme les Occidentaux savent si bien le faire, l'histoire a déjà été falsifiée depuis le début grâce aux médias mensonges propagandistes où on a mis l'Ukraine comme la victime et la Russie comme l'agresseur. Alors, dès le départ, on a une seule version. La seule version qui circule, c'est la Russie agresse l'Ukraine, la Russie est la méchante, la Russie commet des génocides, mais il n'y a pas, dans le sens inverse, les crimes de guerre de soldats ukrainiens de l'Ukraine sur les populations ukrainiennes avant même de commettre ces crimes sur des soldats russes. Parce que vous le rappelez dans le documentaire qu'on vient de regarder, ce conflit ne date pas d'hier. Ça fait plus de 8 ans maintenant que dans le Donbass, l'armée ukrainienne, après le coup d'État en Ukraine, soutenu par les Américains, l'OTAN et l'Union européenne, depuis plus de 8 ans, il y a des crimes sur des civils dans le Donbass là-bas. Qu'est-ce que 20 000 personnes massacrées, génocidés par l'armée ukrainienne, avec le soutien directement des pays qu'on voit tous les jours qui se positionnent comme des pays démocratiques, des pays de droits de l'homme, des pays qui prônent l'humanisme, comme le gouvernement, l'élite française. Alors, voilà maintenant qu'une personne s'est levée, M. Poutine, qui dit, écoutez, à un moment, il faut arrêter ça, on ne va pas continuer à rester les bras croisés, à voir une armée massacrer des civils dans le Donbass, parce que si vous regardez bien dans le Donbass, ce ne sont pas des militaires qui sont visés. Ça bombarde des écoles, ça bombarde des hôpitaux, des marchés, des rues, et c'est toujours les civils qui sont visés. Les groupes, nazis, hein, les ukro-nazis, qui tuaient des civils, qui assassinaient des civils dans le Donbass, avec la bénédiction de la communauté occidentale, pour ne pas dire la communauté internationale. Personne n'a jamais condamné, que ce soit nos amis propagandistes de LCI, on ne les a jamais vus faire des reportages tous les jours sur les crimes ukrainiens dans le Donbass. Mais, vous savez, le fait que ce soit maintenant la Russie, Poutine, qui décide de voler au secours de cette population, comme Poutine avait déjà fait en volant au secours de la population syrienne pour protéger Bachar al-Assad contre la tentative d'assassinat, de déstabilisation de son pays, les Occidentaux ont profité, puisque Poutine dérangeait depuis longtemps la Russie, dérange le plan de domination géopolitique mis en place par les États-Unis, l'OTAN et ses alliés, étant donné que c'est la Russie qui dit stop, maintenant on arrête ça, nous allons dénazifier ces personnes, dénazifier l'Ukraine pour protéger les citoyens. Tout de suite, on a commencé à dire que la Russie commet des crimes, c'est la Russie la méchante, les Ukrainiens sont les gentils. Mais jusqu'à présent, personne ni aucune organisation ne pose le débat sur les crimes de guerre, les crimes imprescriptibles des soldats ukrainiens, du gouvernement ukrainien, même de Zelensky, avant le début de ce conflit qui date d'il y a un an. Alors si on prend tout ça, à qui profitent ces crimes? À qui profitent tout ce que nous voyons? La France envoie des bombes, des missiles en Ukraine pour tuer des civils. Dans le même temps, la France se positionne au concert des nations comme un pays de droits de l'homme. Vous savez, avec Macron, c'est la politique de tuer en même temps. C'est-à-dire, en même temps, il dit qu'il ne veut pas de guerre avec la Russie, mais en même temps, il envoie des armes en Ukraine. En même temps, il dit qu'il faut parler de paix avec Poutine, mais en même temps, il dit qu'il faut faire la guerre à la Russie. Voilà les contradictions de ces États qui aujourd'hui ont toujours et qui vivent toujours des guerres, des conflits. Parce qu'il faut le rappeler, je le rappelle, l'histoire de l'Europe, notamment de l'élite française, l'histoire de l'Europe, c'est la glaive. C'est des peuples, ce sont des élites, des gouvernements qui ont toujours vécu en fabriquant, en vivant de l'histoire que j'appelle l'histoire de la glaive, c'est-à-dire la barbarie, les massacres, les génocides, etc. Ils ne savent faire que ça, l'élite européenne. Donc, ce qui se passe en Ukraine, vous savez, je ne suis pas vraiment surpris de voir la position de l'Europe, notamment de la France, parce que dans le reportage, ça parlait de la France, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'élite française est une élite d'esclaves, une élite de soumise aux intérêts américains. La France est devenue une colonie, une simple zone commerciale et touristique des États-Unis. Macron est un cireur de bottes de Joe Biden. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas Macron qui dira à Biden non, les crimes de guerre des soldats ukrainiens en Ukraine sur les civils, il faut le dénoncer, il faut le juger. Si depuis plus de 20 ans, que ce soit depuis les présidents Sarkozy, Hollande, Macron, ils ont toujours soutenu la politique américaine pour génocider au Congo. Voilà, ce n'est pas en Ukraine que ces pays que je vous cite ne le feront pas. Ce sont des pays, c'est une association de malfaiteurs, ils vivent des crimes, ils vivent des guerres, ils vivent de la barbarie et des conquêtes. C'est ça l'histoire de l'Europe. Donc les gens doivent comprendre à qui nous avons affaire. Ce ne sont pas des États démocratiques.

Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que mes reportages ont pu donc vous plaire. Je voudrais tout d'abord préciser une petite chose aux téléspectateurs, que le reportage n'a pas été donc diffusé dans son intégralité car il y a eu des petits soucis de son, mais à 80% le reportage a été diffusé correctement. Donc j'invite tous les téléspectateurs qui souhaiteraient donc visionner le reportage dans son intégralité à tout simplement aller sur ma chaîne YouTube Adrien Investigation ou tout simplement mon Telegram Adrien Bokeh pour avoir donc l'intégralité de cette investigation. Je tiens également donc à vous préciser, effectivement il y a eu des problèmes de son, les images que vous êtes en train de voir là actuellement, on était en train d'être attaqué par les Ukrainiens. Donc on a été attaqué plusieurs fois par les Ukrainiens, vous voyez là il est en train de tirer, c'est un militaire qui est en train de tirer pour essayer de nous défendre, et en fait nous avions donc des Ukrainiens qui étaient en train de nous encercler à l'endroit où nous étions, et donc on a ce militaire à l'image qui était donc en train de tirer avec une mitrailleuse pour essayer donc de les faire fuir. Donc voilà, il s'est passé certaines choses hein, donc pendant le reportage où malheureusement voilà il y a eu un problème de son, donc vous n'avez pas pu le voir à ce moment-là, et vous pourrez voir vers la fin du reportage sur le terrain, il y a une image qui est fichée avec donc Sergueï Mounié qui est debout, et vous me voyez légèrement accroupi. Je vais vous expliquer cette image qui est assez particulière. Vous me voyez dans les mains avec une télécommande et un drone, et en fait c'est mon drone, le drone que j'utilise pour le travail, qui nous a en fait servi un petit peu à survivre pendant cette attaque ukrainienne qui a eu lieu sur nous. Grâce à mon drone que j'ai pu faire donc décoller, ça nous a permis de pouvoir voir quel chemin nous avons pu prendre pour en fait partir tout simplement et pas nous faire tirer dessus. Voilà, je voulais vraiment vous préciser un petit peu les conditions de ce tournage, hein, qui était donc en première ligne, en plein pendant la guerre. On a même donc été attaqué plusieurs fois. Vous pourrez le voir donc dans la rediffusion de l'investigation totale. Hormis cela, c'est, effectivement, c'est une investigation où qui relève énormément de choses, énormément de points, et notamment la fameuse doctrine que les Occidentaux et principalement donc les médias français sont en train et continuent hein, de cacher. Donc la première question, enfin la première réponse, c'est oui, il y a des Français qui combattent du côté de la Russie et il y en a beaucoup. Ça c'est la première des choses. Et deuxième chose, encore une fois, et je vais le préciser, que ça soit LCI, TF1, tout ce genre de journalistes. Qui font des affirmations, alors que, comme je le précise hein, plusieurs fois dans le reportage, ces journalistes ne viennent pas, alors qu'ils pourraient venir dans le Donbass, mais ils ne viennent pas, tout simplement parce que leur ligne directive leur dit de ne pas y aller, et tout simplement, s'ils venaient, ils verraient la vérité. C'est surtout ça le problème, c'est que si vous venez ici, vous voyez la vérité et vous voyez ce qu'il s'y passe. Pour vous dire un petit peu la grande généralité, LCI aurait fait une investigation sur ce soldat, donc Sergueï Mounié, que vous avez sur votre droite, qui est un chef de groupe, hein, qui est un chef de groupe militaire très très aguerri, et qu'ils ont accusé, enfin accusé ou dit qu'il faisait partie de Wagner. LCI TF1 a confirmé, a affirmé que ce soldat était un soldat de chez Wagner. Et bien cela est totalement faux. Encore une affirmation et une confirmation qui est totalement faux, c'est-à-dire que ce soldat effectivement hein, combat bien du côté russe, mais ne fait absolument pas partie du groupement Wagner. Effectivement, sur lui, et quelquefois vous pouvez voir des patchs sur lui ou sur son collègue, qui représente plus ou moins certaines choses, mais en fait, quand vous venez sur le terrain, vous apprenez, ou si vous êtes ancien militaire, il faut comprendre une chose sur les patchs. Je tiens à le préciser pour les téléspectateurs, pour pas qu'ils ne se fassent avoir quand vous regardez un reportage. Ce n'est pas parce que vous regardez un reportage et que vous voyez un militaire avec un patch que ce militaire appartient au patch qu'il arbore sur son bras ou sur son sac. Tout simplement parce que sur la ligne de front, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, les patchs sont comme des trophées, sont échangés, sont donnés, sont portés par fierté, mais il n'y a aucune obligation d'appartenir au patch que vous mettez sur votre vêtement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les investigateurs donc français, qui je le rappelle ne sont jamais venus sur le terrain comme moi, hein, se permettent d'affirmer, de confirmer que certaines personnes appartiennent à Wagner, à l'armée russe, au Poutine, enfin à différentes choses. Et quand vous leur demandez mais comment vous savez que cette personne appartient par exemple à Wagner, ils vous répondent ah mais nous, parce que il a un patch. Et vous ne pouvez pas confirmer une telle information seulement pour un patch. Je vais vous donner un exemple, je pense qu'il va faire rire beaucoup de personnes. Tout le monde me connaît, tout le monde sait que je suis journaliste et reporter, enfin que je suis principalement reporter de guerre. Je vais vous montrer ça. Ceci est le patch donc de Wagner, que tout le monde connaît, d'accord, qui m'a été donné parce que je les côtoie, je parle avec eux, je fais des investigations avec eux. D'accord, vous voyez ce patch? Regardez ce que je fais. Voilà. Je le mets sur moi. Donc, si vous prenez les journalistes français, là, à partir de maintenant, Adrien Bocquet, reporter de guerre, est devenu un combattant pour Wagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai un patch sur moi, donc je appartiens à Wagner. Voilà, je voulais vous préciser cette petite chose qui peut énormément désinformer les téléspectateurs, mais surtout, c'est extrêmement grave parce qu'on vient affirmer des choses hein, qui sont fausses, qui ne sont du coup pas confirmées. C'est-à-dire la seule possibilité de confirmer une telle information sur un soldat, c'est de lui demander, éventuellement demander à un chef, par exemple de Wagner, est-ce que cette personne, ce soldat appartient à vos rangs, etc. Enfin, des vraies confirmations, pas seulement un patch que tout le monde peut avoir, que tout le monde peut mettre. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et je voulais expliquer ça aux téléspectateurs parce que vous verrez beaucoup de personnes reprendre « Ah, regardez, il a un patch Wagner, donc c'est un Wagner ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Beaucoup de personnes portent des patchs Wagner alors, par exemple, qu'ils sont militaires russes. Et ils ne sont pas du tout de chez Wagner, mais comme ils aiment ce patch, ils le mettent, tout simplement. Je terminerai sur ça pour bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a un patch que la personne appartient à ce patch, mais encore une fois, il faut être sur le terrain pour avoir le minimum de ses connaissances. Mais c'est quand même très grave, et je voulais le souligner parce que ces choses-là sont confirmées, affirmées par des grandes chaînes, et je trouve ça extrêmement grave. Pour revenir au reportage, j'espère que ce reportage pourra vous éclairer sur les conditions aussi des militaires, par exemple au niveau de l'armement. Beaucoup de choses ont été dites sur il n'y a pas d'armement, ils sont très mal équipés. Bon, je pense qu'avec avec ce reportage, vous pouvez voir que ces militaires sont extrêmement bien équipés, qu'il y a énormément de munitions. Vous avez vu, j'ai filmé exprès, on va dire, les boîtes, les cartons de munitions, de grenades, etc., pour vous montrer à quel point ces militaires du côté russe hein, et du Donbass ne manquent absolument pas de munitions. Bien au contraire, il y en a presque trop. Pour vous dire à quel point, je ne devrais peut-être pas le dire, pendant le reportage, nous avons même vu des caisses de munitions posées sur le bord de la route. Et quand on leur pose la question, on leur dit c'est parce qu'on n'a pas de place pour stocker, nous avons trop de munitions. Donc voilà la réalité, encore une fois tronquée par les Occidentaux et les Français. Oui, les Russes sont très très bien équipés. Oui, les Russes ont énormément de stocks. Et ça, je vous le confirme. Et vous pouvez le voir pendant le reportage. Et après, vous avez donc la partie, on va dire, interview avec deux anciens Français qui ont, on va dire, un rapprochement de la France de loin ou de près, voilà. Vous pouvez voir, donc, vous avez du côté gauche Prince et à droite, donc Sergueï Munier que j'ai pu interviewer. Ça a été très dur, hein. Ça a été très très dur parce que ces Français risquent énormément de se montrer comme ça, que ça soit des problèmes avec les services secrets français ou tout simplement les services secrets ukrainiens, parce que ce sont donc des cibles prioritaires. Prince, que vous avez à votre gauche, est un ingénieur spécialisé dans les drones, principalement les drones aussi kamikazes, et Sergueï Munier est un chef de groupe aguerri. Donc autant vous dire que ce sont des cibles prioritaires donc pour l'armée ukrainienne, mais ils ne mâchent pas leurs mots, ils vous expliquent ce qui se passe et la réalité des choses. Tout à l'heure, vous avez encore parlé donc de ce qu'on appelle des crimes ukrainiens dont on ne parle pas. Il y a encore 3 jours, donc vendredi dernier, vous pourrez voir hein, encore sur ma chaîne Telegram, il y a eu une attaque à Donetsk, donc dans le centre-ville, une attaque terrible. Je rappelle, Donetsk est une ville du Donbass, l'une des plus grandes. C'est un centre-ville qui est à plus de 35 km de la ligne de front. Dans ce centre-ville, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de chars, il n'y a pas de tanks, il n'y a pas de missiles. Il y a simplement des civils qui vivent. Il y a eu une attaque terrifiante vendredi. Pourquoi je vous en parle? Parce que le procureur de la République m'a réquisitionné en tant qu'expert balistique, parce que je suis également expert balistique, et je suis arrivé dans une rue avec un bus qui avait brûlé, et à l'intérieur de ce bus se trouvait une petite fille de 7 ans et 6 autres personnes, dont des professeurs. Cette petite fille de 7 ans a brûlé vif dans le bus avec les 6 autres personnes dans le bus. Dû à quoi? Dû à une roquette, donc c'est un petit missile, de l'OTAN. Donc encore des armes de l'OTAN qui a été donc envoyée par l'armée ukrainienne en plein dans un centre-ville et qui a fait donc exploser et brûler cet autobus. Et malheureusement, cet autobus s'est embrasé immédiatement et cette petite fille de 7 ans et ses 6 autres personnes ont brûlé vivants dans ce bus. Voilà ce qui se passe actuellement et les crimes continuent. Encore une fois, et c'est, excusez-moi, hein, je dois normalement ne pas prendre parti, mais il y a des choses, je reste père de famille, je reste humain, et quand vous voyez un centre-ville qui est dépourvu d'armée, qui reçoit des missiles et qui brûle des gens vivants dans des bus, ce n'est même plus un crime de guerre, c'est un crime contre l'humanité. Et effectivement, on peut s'apercevoir que ces armes qui ont servi donc à brûler des enfants, des mamans, et des mamies dans un bus vendredi, c'était donc des armes de l'OTAN. Voilà, des armes que la France, que l'Allemagne a données à l'armée ukrainienne et que l'armée ukrainienne a utilisées vendredi pour tuer des civils, clairement. Au total, il y a eu donc 11 morts et 26 blessés civils dans cette attaque du centre-ville. Et ce qui est extrêmement grave, et je tiens à le souligner, ce qui est inadmissible, les journaux occidentaux et français n'en ont absolument pas parlé. Nous parlons de 11 morts civiles, de 26 blessés, dont une petite fille de 7 ans qui a brûlé vif dans un autobus pratiquement scolaire, et personne n'en parle. Visiblement, les médias ne jugent pas intéressant de parler de ces crimes abominables. Par contre, quand vous avez un accident, un crime du côté ukrainien, très léger, hein, qui est peut-être quand même légitime. Par exemple, il y a 2 semaines, il y a eu 2 blessés lors d'un bombardement en Ukraine. Sur les 7 chaînes françaises, 5 chaînes sur les 7 ont parlé de ces 2 blessés. Vendredi, on a 11 morts et 26 blessés civils. Personne n'en a parlé. Donc encore une fois, on a un traitement de l'information qui n'est pas égal, qui n'est pas normal. Je suis ici justement pour montrer ce qui se passe. Ce que je viens de vous dire, ce sont bien donc des civils hein, qui ont été attaqués, tués, brûlés vifs, et on n'en parle pas. Et vous allez me dire, mais pourquoi on n'en parle pas? Pour 2 raisons. Première raison, parce que ce sont les armes françaises, occidentales ou américaines qui sont utilisées pour tuer ces civils. Donc, la France, par exemple, les médias français ne peuvent pas expliquer à la population française que des armes que la France a données viennent d'être utilisées pour tuer et brûler vives des enfants et des femmes dans un bus. Voilà pourquoi ils n'en parlent pas. Et deuxièmement, ils ne veulent pas non plus montrer que l'armée ukrainienne attaque et attaque des centres-villes avec l'argent et les armes que la France ou les Occidents ont pu donner. Ce qui, je rappelle, est en train d'appauvrir la grande majorité des Français actuellement qui sont dans les rues, hein, que ce soit pour cette loi retraite, mais ils ne sont pas que dans les rues pour cette loi retraite, parce que tout a augmenté, tout a augmenté. Il suffit de regarder, la France a donné 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Ça, c'était les chiffres d'il y a 6 mois. Donc je pense qu'on a dû dépasser actuellement les 3 milliards. Ces 3 milliards auraient pu être investis justement dans les hôpitaux, dans les services d'urgence, etc., etc. Donc moi, je comprends la colère des Français. Je voudrais leur montrer que je fais un travail pour leur montrer ce qu'on leur cache. Et voilà. Et heureusement, ici, sur cette chaîne panafricaine, nous pouvons parler. Je suis très fier d'avoir réalisé ce reportage en exclusivité donc pour Afrique Média, parce que je suis donc maintenant officiellement donc reporter et correspondant international pour Afrique Média. Donc je suis très fier d'avoir fait ce reportage qui a été extrêmement dangereux à réaliser, mais je pense nécessaire pour montrer aux panafricains surtout la réalité des choses, comme je vous l'ai dit, l'armement, les munitions, les Français qui sont sur place, tous les détails que je viens de vous mettre. Je pense que les panafricains et les Africains ne sont pas bêtes. Ils commencent à comprendre également ce qu'il se passe. Et je les remercie. Et n'oubliez pas que c'est en me suivant, c'est en partageant ces reportages que je peux effectuer avec Afrique Média. Il faut les partager un maximum pour montrer à un maximum de la population internationale ce qu'il se passe, mais surtout les vérités. Je viens encore de vous donner un exemple simple avec les patchs, voilà, que les médias mythos, on va les appeler comme ça, les médias mythos français utilisent. Bon, vous avez un patch, donc vous appartenez à Wagner, et ils affirment, c'est tout à fait scandaleux d'affirmer ce genre de choses. Moi, encore une fois, bon, ça fait un an qu'on dit que je suis un menteur, sauf que ça fait un an que moi je suis sur le terrain et je montre les vidéos. Donc si vous voulez, ne m'écoutez pas, mais regardez les vidéos sont telles quelles, les reportages sont tels quels, il suffit de regarder pour se faire un avis et comprendre ce qu'il se passe dans le Donbass. Je vous remercie beaucoup, surtout n'hésitez pas, donc je le répète, à venir sur la chaîne YouTube Adrien Investigation ou sur le Telegram, vous tapez juste Adrien Bokeh, vous allez tomber sur mon Telegram et vous aurez toutes les reportages, tous les reportages dans son intégralité. Merci donc à Afrique Média de me faire confiance pour mon travail. Adrien, vous ne partez pas, Adrien Bokeh. On poursuit l'émission. Non, je reste ici. On poursuit. Ok, on poursuit l'émission avec vous. Au moins, ça c'est une réaction, alors une véritable réponse à vos détracteurs, à ceux-là qui vous vilipendent et vous traitent de menteurs. Vous étiez sur le terrain. Du moins, vous l'avez dit, les téléspectateurs ne sont pas dupes. Du moins, ceux qui vous suivent, même sur votre page YouTube, on rappelle, Adrien Investigation, pour pouvoir donc regarder toutes ces vidéos, pour comprendre véritablement le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Grâce à vous, nous avons donc eu des images inédites. Et donc, les téléspectateurs, ils sont nombreux à vouloir appeler. On rappelle que c'est à partir de 18h49 que vous pourrez donc nous appeler. Pour l'instant, nous profitons encore de quelques mots d'Adrien Bokeh. Alors, Adrien Bokeh, l'Europe qui offre donc des armes aux nazis, il faudra le dire ainsi, mais c'est cruel quand même de vouloir faire une telle mise en scène pour accuser certainement la Russie d'exactions du côté de l'Ukraine. Et pourtant, ce sont même ces Ukrainiens-là qui offrent les populations au canon. Exactement. Depuis que je suis arrivé, depuis un an dans le Donbass, je n'arrête pas d'entendre « c'est la Russie qui bombarde le Donbass ». C'est d'un ridicule. Il suffit de regarder. Donc ça voudrait dire que la Russie tue ses propres femmes, ses propres enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, la population du Donbass sont une population ukrainienne à la base. Cette population ukrainienne du Donbass ont choisi, c'est-à-dire qu'il y a eu des référendums. Cette population a choisi, on va dire que leur région soit annexée et maintenant appartiennent à la Russie. Elles ont choisi, il faut respecter. Ça, c'est premièrement, il faut respecter leur choix. Donc, malgré qu'il y ait eu cette annexion, donc officiellement pour la Russie, le Donbass donc, appartient à la Russie, donc les terres du Donbass, maintenant, officiellement, appartiennent à la Russie. Ça voudrait dire que les Russes bombardent et attaquent leurs propres terres, leur propre population ancienne ou nouvelle, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Il suffit de voir, si vous voulez, les images. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez mon télégramme, je le rappelle, Adrien Bokeh, car je suis reporter de guerre, mais je suis aussi expert balistique. Et je suis expert balistique officiel, je vous le montre, parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Voilà ma carte officielle d'expert balistique du gouvernement, d'accord, et je viens identifier avec d'autres experts les armes quand des bombardements, etc., viennent d'arriver. Je vous donne un exemple, comme vendredi, le bus venait, donc l'attaque venait avoir lieu il y a 17 minutes. J'arrive sur les lieux, le bus vient d'être éteint par les pompiers, il est encore fumant, et nous avons donc un petit cratère, des morceaux donc de roquettes, un petit peu partout, etc. D'accord ? L'attaque a eu lieu, je répète, il y a 17 minutes. Donc nous arrivons, je filme immédiatement. Je filme à chaque fois mon arrivée sur les lieux et pour montrer donc le morceau que je viens de trouver. Il y a même certaines vidéos, vous pourrez le voir, hein, où je suis obligé de creuser. Je creuse dans le goudron quelques minutes et je sors des morceaux, des fois des morceaux d'obus hein, brûlants. Hein. Je suis obligé de mettre des gants tellement que c'est encore chaud. Et cela vous montre, si vous voulez, l'instant T de la chose. C'est-à-dire que vous voyez que la chose vient d'arriver, je viens de sortir un morceau, tout est filmé, et je montre immédiatement donc les origines de ce morceau de roquette, de ce morceau d'obus, que ça soit un obus français, que ça soit une roquette tchèque, européenne, ou un obus américain. Donc, je montre ceci, je vous montre les caractéristiques, et des fois, nous retrouvons même des inscriptions en français, voire même des numéros de série que certains vous pouvez vérifier sur Internet, et que vous retrouvez comme des numéros de lot français qui ont été donnés à l'Ukraine, etc. Tout ça pour vous expliquer comment peut-on encore aujourd'hui accuser la Russie d'attaquer entre guillemets leur propre nouvelle terre hein, et leur propre population ancienne ou nouvelle, alors que quand nous arrivons sur place, nous constatons que ce sont des armes occidentales ou américaines, et pour certaines, donc des lots bien précis qui ont été donnés, par exemple, il y a un mois à l'Ukraine, etc., etc. C'est-à-dire que même, et grâce à l'identification, voilà, bah, comme vous pouvez voir sur la photo, donc ça, c'est un morceau de roquette. Là, c'est une roquette tchèque, donc une roquette européenne de nouvelle génération, avec des fragments, ce qu'on appelle des fragmentations. Quand elle vient exploser, il y a plein de fragments, des milliers de fragments, qui vont un petit peu partout et qui tuent un petit peu tout le monde. Ces roquettes-là, vous pouvez les identifier tout de suite et je vous aide avec mes vidéos à vous montrer voilà à quelle origine appartient, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'au mois de septembre, on a essayé de m'assassiner parce que j'identifiais et que j'étais le nouvel expert, on va dire, occidental du Donbass. Et c'est pour cela qu'on a essayé donc de m'assassiner fin septembre. Voilà, donc comment encore aujourd'hui on peut encore continuer de dire que ce sont les Russes qui attaquent leur propre population alors que sur le terrain, nous pouvons constater que ce sont bien des armes françaises, allemandes, américaines ou occidentales qui sont utilisées. Les preuves sont là, c'est-à-dire que les preuves matérielles, on ne peut pas les tronquer, on ne peut pas les fabriquer. C'est comme ça, donc encore une fois, leur meilleur moyen pour... Alors, excusez-moi, je coupe le bus que vous voyez là, donc c'est ce fameux bus de vendredi, où malheureusement, donc vous avez une petite fille de 7 ans et 6 autres personnes sont décédées. Les images un petit peu oranges que vous pouvez voir sur l'image, donc sont les corps, hein, sont les corps calcinés dans le bus. Voilà, hein, j'avais fait assez court pour pas qu'on voie trop parce que les images. Bon voilà, vous avez les images en direct. Hein, attention s'il y a des enfants qui nous regardent actuellement, parce que les images sont assez compliquées. Donc je reviens par rapport à ces attaques-là. Vous voyez cette attaque du bus, comment vous pouvez justifier une telle attaque? C'est un bus, la moitié du bus c'était des professeurs et des élèves. Vous êtes dans un centre-ville, comme je le répète, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de militaire, et vous avez une roquette européenne qui arrive et qui explose et qui enflamme ce bus et qui tue, en l'occurrence ce bus, donc une enfant de 7 ans et 6 adultes. Vous ne pouvez pas justifier une telle attaque. C'est un crime contre l'humanité. Donc vous me voyez hein, sur l'image en train d'effectuer donc des expertises pour le procureur du Donbass. C'est tout à fait abominable. Mais ces expertises sont cruciales pour justement prouver que les armes qui ont été utilisées pour ces crimes sont des armes occidentales, américaines, allemandes, etc. Donc je terminerai sur ça. Bien sûr, hein, et encore une fois, je le répète, quand vous entendez que c'est la Russie qui tuerait, qui attaquerait eux-mêmes le Donbass, ça n'a aucun sens parce que premièrement, vous avez la preuve maintenant aujourd'hui que les armes qui sont utilisées dans le Donbass sont des armes occidentales ou américaines, avec toutes les preuves, hein, comme je vous l'ai dit, des numéros de lot, les caractéristiques, tout est là. Donc, Forcément, il y a aussi donc cette ligne directive occidentale et française de ne surtout pas montrer ce qu'il se passe dans le Donbass. Et je vais poser une question de réflexion à tous les téléspectateurs. Si la Russie donc attaquerait depuis un an et peut-être plus longtemps le Donbass, donc leur propre nouvelle civilisation et leur propre nouvelle terre depuis l'annexion, donc hein, il paraît que vu que les Occidentaux disent que ce sont les Russes qui attaquent leur propre terre, mais alors pourquoi ils ne médiatisent pas les attaques? Pourquoi ces attaques ne sont pas médiatisées? Si ce sont les Russes qui attaquent justement cette population du Donbass, le fait de médiatiser ces attaques, ça viendrait du coup faire du mal à la Russie, ça viendrait vraiment causer du tort à la Russie de montrer par exemple des bombes russes qui atterrissent dans le Donbass et qui tuent la civilisation du Donbass. Pourquoi les médias ne traitent pas les attaques du Donbass? Si ce sont des attaques russes, bah, dans la logique, diffusez-les, justement, montrez que la Russie est en train d'attaquer le Donbass. Voilà, je pense que là, vous avez une réflexion. Pourquoi les médias ne montrent pas les attaques du Donbass? Je pense que c'est très clair, pour tout simplement pas que vous puissiez vous rendre compte que la Russie n'a strictement et n'a jamais eu rien à voir avec ces attaques du Donbass. Donc encore une fois, c'est une manipulation médiatique pour ne pas vous montrer et vous prouver que c'est bien l'armée ukrainienne qui attaque le Donbass. Voilà, je pense que là, je vous ai posé une bonne réflexion. Si la Russie, je le répète, hein, si la Russie donc attaquerait et attaque le Donbass, pourquoi ne pas le montrer? Au contraire. Adrien Bocquet, reporter de guerre, grâce à qui nous avons donc les images, nous touchons la réalité, lui qui est bien sûr nos yeux et nos oreilles du côté du Donbass. Il est au cœur Afrique Média via son correspondant, à travers son correspondant qui est au cœur de la bataille ukraino-russe. Et donc vous avez vu les images, elles sont effroyables, elles font froid au dos, avec des personnes qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui se retrouvent ainsi calcinées. Les images qui datent de vendredi dernier, des images qui n'ont pas été publiées sur la toile, mais qui viennent donc d'être dévoilées par notre correspondant sur le terrain, Adrien Bocquet. On va donner la parole à notre intervenant. Il s'agit de Gamal Abina, géopoliticien. Bonsoir à vous, chers messieurs. Certainement, vous avez vu aussi les images. On parlait à des images effroyables de vendredi dernier. Et donc, selon Adrien Bocquet, certes, l'Ukraine est en guerre avec la Russie, mais quand il va sur le terrain, lui qui espère balistique, il se rend compte que les balles qui sont utilisées sur le terrain n'appartiennent pas à la Russie, contrairement à ce qui est médiatisé, contrairement à ce qui est publié. Ce sont des balles européenne, notamment française et allemande, et on veut faire croire donc à la population, aux téléspectateurs, du moins au public du monde entier, que ce sont les militaires russes qui offrent donc les populations aux canons. Et voilà donc les reportages et les images telles que publiées par Adrien Bocquet, qui démontrent le contraire. Alors comment comprendre cela, Gamal Abina, que ces populations décident elles-mêmes, que ces militaires décident eux-mêmes de tuer, voilà, leurs propres citoyens, afin de faire croire au monde entier que ce sont des actes perpétrés par l'armée russe. Bonsoir à vous, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Donc, oui, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'on est dans une guerre, effectivement, à la fois une guerre physique avec des armements lourds qui sont déployés sur le territoire, une offensive très lourde qui a été lancée par la Russie, pour laquelle ils ont reculé volontairement pour effectivement ne pas impacter trop la population, puisque les Russes considèrent que l'Ukraine, ça reste un peuple sale comme eux et que ce sont des frères. Et il n'en demeure pas moins que dans cette guerre de l'image, dans cette guerre d'information, la propagande joue pour beaucoup. Alors, de dire que les Russes tueraient les positions dans lesquelles ils sont, enfin, tueraient les populations des positions dans lesquelles ils sont, ça paraît hautement improbable. Mais encore une fois, les Ukrainiens en sont capables aussi, on le sait très bien, c'est pas le problème. Dans une guerre, l'information, la communication, l'image a du sens.

Je vous ai envoyé tout à l'heure un article écrit par le docteur Ahmed Ben Saada en 2014. Et il parle de Roe Maiden et de cette révolution colorée et qui prédisait tout ce qui se passe depuis un an. Zelensky, s'il a été mis au pouvoir, c'est pour servir un agenda étranger, un agenda américain. Il n'a pas été mis au pouvoir pour servir la Russie ou le peuple ukrainien, voire les Russes de l'Ukraine. Il a été mis en place pour servir le fils Biden. Il a été mis au pouvoir pour servir Biden. D'ailleurs, on nous a bien expliqué, plusieurs intervenants dans le monde, notamment des Russes, voire même des Américains, que l'Ukraine est surendettée, que l'Ukraine est vendue, que tout ce que la Russie vient de récupérer là à Mariupol ou autre, tout a été vendu, les terres agricoles vendues. Donc Zelensky, on l'a mis au pouvoir bien pour ça. Il faut bien qu'il justifie aujourd'hui sa présence en disant que les Russes tuent, mais en vérité non, c'est les Ukrainiens qui tuent. Quand on voit les nazis, ceux que les Russes appellent les nouveaux nazis, ceux qui sont alliés au groupe Pandera et compagnie, ils ont commencé à être entraînés depuis 2014, on est en train de les former. On les a pas formés pour qu'ils soient gentils ou pour qu'ils distribuent de l'eau ou du pain aux ressortissants russes, voire ukrainiens. Ils ont été formés pour tuer, c'est ça. On a vu des images de soldats russes que quand ils ont été arrêtés, on les a exécutés avec des balles dans la tête direct sur les réseaux sociaux. Donc ces gens-là ont été formés pour tuer. Ils ont été formés aussi pour ne pas se rendre parce que c'est des jusqu'au boutistes. Et Zelensky avec eux, on voit bien là. Le comportement de Zelensky, il a détruit son pays. Il aurait pu négocier dès le départ. Et à la limite, je dirais, cette guerre n'aurait pas eu lieu si Zelensky avait fait le nécessaire avec les accords de Minsk. Mais le but, et Merkel nous l'a bien expliqué, le but c'était de donner à l'Ukraine, donc à Zelensky et son armée et ses milices, de prendre du pouvoir, de s'armer et puis de pouvoir faire face à la Russie et à les mêmes, ce que Poutine nous a expliqué lors de son première intervention le 25 février de l'année dernière, c'est que les Ukrainiens comptaient attaquer au mois de mars, voire au mois d'avril au plus tard, et les Russes les ont précédés. Celui qui frappe le premier a gagné. Normalement, c'est ça dans une guerre. Donc, Zelensky est bien coupable et responsable de ce qui se passe dans son pays. Il l'a bradé, il l'a surendetté, il a entraîné des groupes néo-nazis. Leur base arrière est au Canada. Il y a une forte communauté ukrainienne au Canada. Une bonne partie du groupe. Monsieur Adrien est sur place, il nous fait des petits reportages sympathiques qui nous donnent une bonne partie de la vérité. Donc les Azov et les Zelensky et tout ça, ils peuvent pas nous faire gober ce qu'ils nous ont fait croire avec tous les conflits qu'il y a eu dans le monde. Monsieur Abina nous a rappelé une histoire. Il y a aussi la Roumanie avec Ceausescu. Il y a la Yougoslavie. J'étais en Serbie quand il y a eu les bombardements. C'était surprenant et c'était horrible. Et là, on n'a pas fait, les Américains n'ont pas fait dans la grotte. Spéciale. Bonsoir à vous, cher monsieur ou dame. Vous êtes en direct. Avant de revenir vers Linda Larbaoui, on va prendre ce premier intervenant. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je souhaite. Je peux intervenir? Allez-y, on vous écoute. Oui, donc c'est par rapport au sujet de l'Ukraine. Donc, nous disons que l'Ukraine, Zelensky est ennemi de son propre peuple. Parce que à l'heure actuelle, toutes les promesses qui ont été faites à Zelensky n'ont jamais pu tenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce monsieur devait chercher juste le moyen de négocier avec la Russie pour éviter autant de morts, autant de dégâts. Pourquoi est-il qu'un président de la République qui est censé protéger son peuple continue à amasser autant des armes? Tous les jours on parle des armes, les armes. Tu as l'impression que c'est des gâteaux et qu'on envoie aux Ukrainiens en fait. Des pères de famille comme Biden continuent à amasser des armes. On ne peut pas trouver une solution pour éviter autant de morts. C'est vraiment désolant ce qui se passe à l'Ukraine. Franchement, les Européens nous déçoivent. Tout le temps, partout c'est la guerre. Il n'y a que eux qui doivent amener la guerre sous terre. J'ai l'impression que la terre est conduite pour eux, rien que pour eux, les autres n'ont droit à rien que la mort et la désolation. Mais chaque chose a son temps. Ils paieront tous ceux qui sont en train de peupler l'humanité du monde, qu'ils soient Ukrainiens, Maliens, Nigériens, tous ces peuples qui subissent, nous allons tous partir de la terre. Qu'il soit Biden, qu'il soit qui que ce soit, nous allons tous mourir. Et chacun va répondre de ses responsabilités. C'est incroyable ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup, madame. Allez, bonne soirée. De cette édition spéciale concernant les crimes de guerre sur l'humanité. Voilà, les crimes de guerre en Ukraine, pas bien sûr les combattants et militaires ukrainiens. Vous êtes en direct de la télévision panafricaine pour cette édition spéciale. On parle bien sûr des crimes perpétrés par l'armée ukrainienne sur des civils. Et donc, depuis, nous parlons et à travers des vidéos, la preuve véritablement de ces exactions faites sur les populations ukrainiennes par leurs propres armées. Avec nous, Adrien Bouquet, Linda Larbaoui et bien sûr Gamal Abina. On revient vers vous, Gamal Abina, après avoir suivi religieusement Linda Larbaoui. Alors, selon vous, concernant le fait que, bien sûr, ces exactions sur les populations sont faites par les militaires ukrainiens, pensez-vous que le président partage cette idéologie et aussi peut-il se passer de ces combattants accusés de tirer et de tuer les populations ukrainiennes? Déjà, il faut se rappeler quand même que cette fameuse milice Azov, cette brigade Azov, a été quasiment liquidée très, très rapidement pendant le début de la guerre. Il y a d'autres milices d'extrême droite, mais le plus important c'était donc ce bataillon Azov. Il a été liquidé dans l'usine d'Azovstal. Donc, c'est plus tellement eux qui sont à la manœuvre, il y en a d'autres, évidemment, comme je disais. Est-ce que le président ukrainien est informé de cela? Il est peut-être informé de ça ou pas, d'ailleurs, c'est pas très important. Ce qui est certain, c'est qu'il laisse faire et qu'il utilise ses forces pour renforcer sa position. Tout le monde y va de sa propagande, on l'a bien compris, mais je pense qu'aujourd'hui, et je le déplore depuis le début, les principales victimes dans cette guerre, en dehors des soldats qui meurent, évidemment, c'est les populations civiles ukrainiennes. La guerre se passe en Ukraine, ne se fait qu'avec des Ukrainiens. Les gens qui meurent ne sont pas ukrainiens. Les destructions sont ukrainiennes. Le pays est surendetté aujourd'hui parce que les armes n'ont pas été offertes mais vendues. Et la dette de reconstruction va être aussi abyssale. Donc tous ces éléments constitutifs conduisent à dire que la guerre est un bon business pour les uns et évidemment une mauvaise affaire pour les perdants. Et que malheureusement l'Ukraine fera partie de ce corps, on dira, de ce qui restera de cet État ukrainien, 80% du territoire, qui sera littéralement jeté au bras des financiers et de ceux qui prétendent reconstruire l'Ukraine à bon prix. Donc c'est un pays qui va être endetté au moins pour 50 ou 100 ans, qui ne pourra pas avoir beaucoup de solutions et qui, au sortir de cette guerre, sortira exsangue. Avec d'ailleurs un article récent qui est sorti, je tiens à le rappeler, au Parisien, qui annonce déjà, alors il y a un tournant dans la presse occidentale, qui commence à annoncer l'état réel psychologique des Ukrainiens, savoir que les jeunes ne veulent pas faire la guerre parce qu'on les envoie comme de la chair à canon, parce qu'on les envoie sans préparation face à des Russes qui sont quand même bien aguerris. Je parle donc des différents corps d'armées russes privées qui sont des soldats professionnels, qui font un travail en étant bien, bien, bien entraînés, contrairement aux Ukrainiens qui ne font la guerre à personne depuis qu'ils existent. Puis deuxième approche, c'est important de le rappeler, c'est que dans cet article du Parisien, ils expliquaient que non seulement on envoyait les Ukrainiens comme de la chair à canon sans espoir d'y arriver, que maintenant on rafle les jeunes dans les rues de Kiev pour pouvoir, donc c'est le Parisien, je parle bien de l'article du Parisien, Ce n'est pas un article que par les Russes. Qu'on rafle les jeunes pour les embarquer dans les guerres alors qu'ils n'en veulent pas, qu'il y a une organisation qui est mise en place pour qu'ils puissent être exfiltrés du territoire ukrainien dans le but de ne pas être embarqués dans cette guerre inutile pour laquelle ils savent qu'il n'y a aucun espoir, et surtout que le moral ukrainien est complètement en berne. Ils se rendent bien compte qu'ils n'avancent pas, qu'ils reculent, que pour récupérer le territoire conquis par les Russes, bah, c'est quasiment au domaine du rêve, puisqu'il n'y a aucun recul contrairement à ce qui a été raconté, que la contre-offensive, qui est une obsession ukrainienne, n'arrivera pas. Je rappelle quand même que l'année dernière, M. Zelensky avait annoncé 1 million d'hommes au combat, ce qui n'a jamais été atteint, évidemment, mais encore en revanche, il a perdu plus de 100 000 hommes au combat dans des offensives extrêmement coûteuses en vie humaine. Donc les Ukrainiens, aujourd'hui, dans le Parisien, c'est le Parisien qui parle, comme je le disais, commencent à expliquer qu'il y a un vent qui tourne. On entend parler de fuites américaines sur les informations qui disent que la guerre est perdue. On entend beaucoup d'informations comme ça qui sont plutôt plus contradictoires. On entend surtout que Zelensky passe son temps à mendier des armes et que les Occidentaux lui donnent le compte-gouttes. Les Français ont donné quelques chars à Nimitz qui auraient dû finir la casse. Ils ne donnent pas de chars nucléaires. Les Allemands ont refusé de donner les fameux chars Léopard parce que c'est des chars extrêmement coûteux à la construction et surtout qui étaient palestiniens à partir de l'Ukraine, à protéger le territoire allemand. Les Polonais sont les plus en avance sur ces questions de guerre puisqu'ils n'ont pas hésité à envoyer des chars. On se rappelle la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, aujourd'hui, les Polonais se plaignent de la présence de produits ukrainiens agricoles. Donc, à la fois, on joue le jeu de la guerre et en même temps, on joue le jeu du boycott de l'Ukraine. C'est pour dire que l'Ukraine est bien isolée aujourd'hui, que la population civile paie un très haut tribut inutile, et que les Chinois, qui ont fait leur proposition de office pour régler le conflit ukrainien, comme ils ont réussi à régler le conflit entre l'Iran et l'Arabie, eh bien, les Chinois commencent à être entendus par Zelensky, qui n'a pas hésité à appeler Xi Jinping pour essayer de trouver un terrain d'accord. Donc il est possible que la guerre s'arrête avec une négociation qui viendrait de la partie chinoise, que 20% du territoire ukrainien annexé par la Russie reste russe, qu'évidemment la Crimée et Sébastopol resteront russes, ça c'est évident, et que l'Ukraine sera bien contente de sortir de cette guerre exsangue sans perdre la totalité de son territoire, parce que, encore une fois, n'oublions pas que les Polonais ont des visées sur le nord de l'Ukraine, que les pays de l'Est en général, qui font frontalier de l'Ukraine, ont un intérêt aussi régional, et que l'Ukraine, qui était une fabrication comme les Maillards d'État, que ce soit la Bulgarie ou la Pologne, d'État de plusieurs populations qui viennent de ces pays, pourraient être intéressées pour récupérer ces territoires qui ont été amputés en 45. Mais ça, c'est des réalités qui malheureusement dépassent complètement la population ukrainienne, qui aujourd'hui vit au jour le jour avec des jeunes de 18 à 60 ans. Quand je parle de jeunes de population de 18 à 60 ans en âge de combattre, qui sont appelés de force sous les drapeaux pour aller se battre pour une cause perdue d'avance. Donc l'Ukraine va perdre sur deux fronts, elle va perdre ses 20% de territoire, malheureusement comme prévu, elle perdra beaucoup de jeunes dans une guerre inutile, et surtout elle perdra son autonomie financière, puisqu'elle sera endettée pour au minimum 50 ans. C'est à peu près ça l'idée, et Zelensky, même s'il est au courant de ce qui se passe sur le théâtre d'opération, avec des exactions qui sont produites sans doute de part et d'autre, mais massivement certainement du côté des brigades de nazis, il s'en fiche un peu, parce que c'est pas pour ça qu'il est aux commandes, il est là pour donner le sentiment que l'Ukraine tient le bout, qu'elle résistera, et que l'Occident doit l'aider coûte que coûte, avec un discours de propagande de dire que l'Ukraine, c'est l'Occident, ce qui évidemment est totalement faux géographiquement. Merci donc, Gamal Abina. Alors, on revient vers vous, Linda, donc, Larbaoui. Alors, avec les images telles que diffusées par Adrien Bocquet, on comprend véritablement qu'on ne racontait pas des inepties, ou même des affabulations sur Afrique Média. Et voilà, les images et la preuve véritablement qu'il se passe des choses atroces menées par les Occidentaux eux-mêmes du côté de la Russie, et voilà des armes, des munitions qu'on retrouve sur les lieux du crime appartenant bien sûr aux Occidentaux, notamment à la France et même à l'Allemagne, avec Adrien Bocquet qui insiste beaucoup sur la France qui a envoyé qui a dépensé plusieurs milliards pour la guerre du côté de l'Ukraine, alors que du côté de la France, la population souffre de plus en plus et ne cesse de manifester. Ben écoutez, je peux vous le confirmer, hein, ma facture d'électricité de 130 euros à peu près tous les deux mois, elle dépasse les 400 euros, hein, elle arrive à presque 500 euros maintenant. Donc tout est... Et là, apparemment, on nous annonce aussi une augmentation entre 15 et 20% au niveau des produits alimentaires, puisque moi-même j'étais dans l'alimentaire, donc j'ai appris ça par les grossistes. Donc les temps sont très très durs. La France ne peut pas se retirer de cette ce conflit. La France est très impliquée. Je parle du gouvernement, je ne parle pas bien sûr de la population française, qu'elle, qu'elle soit étrangère ou française de souche, mais je parle du gouvernement. Macron a été fabriqué en l'espace de quelques mois, on a fait de lui un président. Eh ben, il a les mêmes patrons qu'avait Georges Pompidou à l'époque. Quand il y a eu le mai 68, c'était, ça ressemblait, quand on voit les images de l'époque, tout ça, c'était un printemps français pour moi. De Gaulle, à l'époque, ce que j'ai dit tout à l'heure, il s'était rapproché des Russes, et il s'était rapproché également de l'Allemagne. Et les Américains, ce n'est pas leur intérêt. Ils ont provoqué et financé deux guerres, ce n'est pas pour voir que le monde européen fasse la paix et qu'il aille vers des alliances telles que la Russie avec la France ou la France avec l'Allemagne. Ce n'était pas l'objectif des Américains, encore moins l'objectif des Anglais. Les Anglais, eh ben c'est le même esprit que les Américains, c'est les Anglais qui ont fait les États-Unis, hein. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, il y a toute une histoire qui est là, mais il y a aussi un état profond qui travaille. Et cet état profond, c'est cet état profond qui va essayer de permettre à la France de s'affranchir. Beaucoup de mes anciens militaires, on les retrouve en Russie. Je me suis posé la question pendant cette décennie-là que je viens de vivre, où sont passés les gaullistes? Autant Charles de Gaulle n'était pas bon pour les Africains, mais autant il a servi les intérêts de son pays. Et après le Jacques Chirac, qui lui aussi a eu un semblant de printemps français en 1995, il y a eu des grèves qui ont anéanti la France. Beaucoup l'oublient ça. Et c'était quand Chirac avait refusé la guerre en Irak, il ne voulait pas s'impliquer. C'était l'un des derniers gaullistes au pouvoir. Et quand j'ai parlé sur Afrique Média plusieurs fois, je disais, il y a un vide politique en France. Et au fond de moi-même, je me disais, où sont passés tous les anciens du RPR, tous les anciens gaullistes, où est-ce qu'ils sont? Et ben bizarrement, je commence à retrouver quelques têtes qui se sont réfugiées en Russie. Je ne dis pas qu'ils se sont alliés à la Russie, c'est pas ce que je dis, je n'ai pas d'informations là-dessus. Je dis tout simplement qu'ils sont allés se réfugier là où on ne pouvait pas leur nuire. À partir de Sarkozy d'ailleurs, Sarkozy a remis la France dans l'OTAN, alors que De Gaulle avait tout fait pour chasser les Américains, pour récupérer l'or de la France et pour sortir de l'OTAN. Donc à partir de Sarkozy, il y a une autre politique qui a été mise en place. Et puis après ça, ça a été Hollande, et bien évidemment, il y en a un qui continue la même feuille de route, et c'est Macron. Donc la France, telle qu'on la voit aujourd'hui, les politiciens que nous avons au pouvoir, ne peuvent pas s'empêcher d'aider l'Ukraine, parce qu'ils sont à la solde des Américains, malheureusement. Et c'est ça qui fait que le peuple français, aujourd'hui, où je parle de la population française, commence à refuser cette guerre. Elle a pris conscience des enjeux, elle a pris conscience que ce n'est pas sa guerre, et elle a pris conscience aussi qu'il faut s'affranchir de l'hégémonie américaine, et voire même du dollar. J'ai suivi une émission ce matin qui était très intéressante, et on parle du dollar et la chute du dollar. Et tous les spécialistes sont bien d'accord que le dollar peut tenir encore, mais s'il y a une monnaie qui va être sacrifiée au départ, c'est l'euro. Et je suis d'accord avec ça. Donc, le français aujourd'hui est confronté à pas mal de problèmes. Le problème, c'est qu'on lui a retiré l'énergie qui lui avait permis de développer son pays, et qui lui avait permis aussi d'avoir une matière première à bon marché à la maison. Donc on fait des économies, il n'a plus tout ça. Les Russes se retrouvent avec pas mal de pays qui étaient contre eux, mais qui sont avec eux aujourd'hui, qui sont devenus alliés, comme l'Arabie Saoudite par exemple, comme le Qatar, comme les Émirats arabes. on voit bien qu'au niveau de l'OPEP+, ils sont plus côté russe que côté américain. Donc les Européens commencent à voir dans ce monde, on les isole avec les Américains, avec l'OTAN. Et ça, c'est mauvais pour l'économie européenne, c'est mauvais. Il y a un monde qui est en train de se construire où l'Europe est avec ce monde-là, où l'Europe va rester avec les États-Unis. Les États-Unis vont retourner chez eux puisqu'ils commencent à perdre. Ils ont perdu la mer Rouge avec l'alliance chinoise, russe et Arabie Saoudite. Ils commencent à perdre aussi la mer Méditerranée avec le rapprochement de l'Algérie vers le BRICS, et l'Algérie incessamment sous peu va rejoindre le BRICS. L'endroit le plus stratégique de la mer Méditerranée, c'est à partir du port d'Oran jusqu'à la frontière tunisienne. Il y a une demande aussi de la Tunisie pour rejoindre le BRICS. Donc les États-Unis perdent tout ça et leurs alliés aussi. Et la France est en plein dedans. Donc où il va y avoir un revirement après la visite de Macron en Chine. Et Macron, chose qui m'étonne, ça m'étonnerait qu'il rejoigne ce bloc, où ça va être bien évidemment l'affaiblissement de l'Europe et l'appauvrissement de la population. C'est le peuple qui va en pâtir, j'en fais partie puisque je vis en France, mais on ressent très très bien cette crise et ça nous désole. Moi personnellement, ça me désole de voir que l'État français aide les Ukrainiens alors qu'il y a un phénomène qui se développe à Paris par exemple, c'est les femmes sans domicile fixe. Beaucoup de femmes se retrouvent à la rue aujourd'hui et c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas avant. Il y avait quelques exceptions comme ça, soit des femmes droguées malheureusement, soit des femmes alcooliques, mais des femmes qui ont perdu leurs emplois et leurs appartements, c'est quelque chose qui se développe fortement. Je fais partie d'associations et il y a des fortes demandes justement d'aide concernant ces femmes qui se retrouvent à la rue aujourd'hui. Donc il y a un appauvrissement de la population, il y a une forte crise. Et à Macron de réfléchir un petit peu où il sauve son pays, où son pays va rejoindre tous ces pays sous-développés ou ces pays appauvris comme l'Espagne par exemple ou le Portugal. C'est des pays que les États-Unis les ont ruinés. Donc le choix pour la population est fait, elle se bat, elle est dehors, mais le gouvernement ne veut rien entendre. Allez, on va refermer avec Adrien Bocquet, l'homme du jour. Honneur à vous, Adrien Bocquet. Qu'est-ce qu'on retient finalement au terme de cette émission et surtout avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine? Vous qui étiez dans le Donbass et qui, à travers vos différents reportages, avez pu nous édifier véritablement et fait comprendre à la population que ce qu'on nous fait voir n'est toujours pas la vérité et qu'il faut véritablement aller sur le terrain pour identifier et avoir la preuve palpable de ce qui se passe véritablement dans ce conflit, on le rappelle, qui dure et qui va durer bientôt 10 ans, il faudra le dire, et pourtant on nous a fait croire que ça date seulement d'un an, le conflit opposant l'Ukraine à la Russie. Exactement. J'y suis toujours, hein, pour petite précision, je suis toujours dans le Donbass. Cela fait presque 10 mois, hein, que je suis dans le Donbass, avec quelques allers-retours par Moscou et au niveau international pour quelques conférences. Mais sinon, je suis pratiquement tout le temps donc dans le Donbass. Donc oui, il faut retenir, je pense, premièrement, que maintenant nous avons la preuve, hein, que la Russie ne tire pas et ce n'est pas la Russie qui bombarde le Donbass. Je pense que cette information est une peut-être des plus importantes à retenir, hein, comme je l'ai précisé, mais je vais le répéter très brièvement. Si la Russie attaquait le Donbass depuis tout ce temps, pourquoi les médias ne montrent pas les attaques? Je réponds à cette question tout simplement car si les médias montraient ces attaques, ils montreraient donc les armes occidentales qui sont servies pour ces attaques. Et donc, il montrerait cette supercherie au grand jour. Voilà, je pense, la première chose qu'il faut retenir. Deuxième chose, avec l'investigation que j'ai faite également au niveau de l'armement, de l'équipement, cela vous montre que du côté russe, il y a de l'armement, il y a de l'équipement, mais il y a surtout des munitions en abondance, contrairement à ce qui avait été dit avec des problèmes d'approvisionnement, de munitions, etc. Tout ça était faux, extrêmement faux. C'est pour ça que ce reportage était aussi important pour moi, pour montrer la réalité des choses au niveau de l'armement. De l'autre côté, oui, il y a des Français qui combattent du côté des Russes. Oui, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas très exposés car sont des cibles prioritaires. Ceux que j'ai rencontrés sont majoritairement ou chefs de groupe ou ingénieurs ou voilà, ont des qualités, on va dire, très importantes pour les unités où ils sont, on va dire, où ils servent. Deuxièmement, effectivement, il faut aussi comprendre que l'armée ukrainienne continue de tirer et de tuer sur des civils et de tuer des civils en essayant d'accuser donc les Russes de ces crimes abominables. Vous avez pu passer quelques images tout à l'heure du bus que je vous ai expliqué avec une petite fille de 7 ans et 6 autres personnes qui sont mortes brûlées vives dans un bus dans le centre-ville de Donetsk. Voilà les images, vous êtes en train de les repasser. Ce crime abominable, je dis bien un mot abominable, qui n'a même pas été mentionné dans les médias occidentaux ou français, alors qu'il y a eu 11 morts et 26 blessés civils dans un centre-ville où, je le rappelle, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de municipes, il n'y a rien du tout à part des civils. Donc bizarrement, quand c'est du côté russe et qu'il y a des douzaines de morts, dont des enfants, même brûlés vifs, visiblement ça n'intéresse personne. Et quand il y a simplement, je ne dirais pas simplement parce que c'est aussi grave, quelques blessés, on va dire, de l'autre côté, on en parle pendant 3 jours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler de l'autre côté, mais c'est pour vous montrer la différence de traitement entre l'Ukraine et la Russie. Pour moi, effectivement, il se passe des choses des deux côtés. Nous devons en parler, nous devons montrer ce qui se passe des deux côtés, pas seulement un côté. Et maintenant, vous avez, et je pense qu'on a vraiment énormément de preuves, que les choses qui se passent dans le Donbass sont volontairement dissimulées pour donc deux raisons, je le rappelle, pour ne pas montrer que ce sont les armes occidentales ou américaines qui sont utilisées pour commettre ces crimes. Et deuxièmement, ça viendrait donc montrer au monde entier que la Russie n'a jamais et n'attaque absolument pas le Donbass depuis toutes ces années. Et on peut retenir quelque chose aussi d'important que malheureusement très peu de gens ne savent. Cette guerre n'a pas commencé il y a un an. Non, la guerre du Donbass n'a pas commencé il y a un an. Nous sommes presque à 9 ans de guerre ici dans le Donbass. Effectivement, il y a encore un an, les gens ne savaient même pas pointer l'Ukraine sur la carte. Alors je vous laisse imaginer le Donbass. Voilà, ça malheureusement c'est la réalité. Il faut la retenir aussi. J'invite les gens à aussi regarder par eux-mêmes sur Internet sur l'historique du Donbass, ce qui s'est passé. Par exemple, aujourd'hui, nous fêtons l'horreur de ce qui s'était passé à Odessa. Pour la petite histoire, voilà, il y avait eu donc plus de 40 personnes brûlées vives dans un bâtiment à Odessa. 40 Ukrainiens russophones tués donc par des pro-ukrainiens. Et aujourd'hui, c'est malheureusement donc l'anniversaire de cette tuerie. Voilà, donc ce qui prouve encore une fois que cette guerre n'a pas commencé donc malheureusement il y a un an. Mais pour cela, j'invite vraiment tous les téléspectateurs qui ne sont pas au courant, c'est pas une obligation, de s'intéresser ou tout simplement ou de demander ou de regarder sur Internet pour voir ce qui s'est passé. Voilà, ou tout simplement de regarder mes reportages et investigations ou bien entendu regarder Afrique Média qui n'hésite pas donc à montrer ce qu'il se passe et à dire la vérité. Afrique Média, Adrien Bouquet, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à Benza Ngouchi qui nous a laissé. Merci Linda Larbaoui et Gamal Abina. Rendez-vous donc dans une prochaine édition. Ne manquez pas dans quelques instants face à l'actualité présentée par Fabrice Ndoum au centre du débat où vous allez il reviendra donc sur les droits de l'homme critiqués en France. Un pays des droits de l'homme. Il sera également question de parler de la République centrafricaine qui refuse de servir donc de base arrière pour toute tentative de déstabilisation du Tchad, telle qu'annoncée par la ministre des Affaires étrangères tchadienne. Ce sera donc avec Fabrice Ndoum à partir de 20h. Quant à nous, nous vous disons au revoir et surtout merci d'avoir été des nôtres.